Le séminaire des sociologues sur les caractères métalliques du Goryeo découvert à Manolte, Kaesong, et leur portée dans l'histoire de civilisation s'est déroulé de 19 au Palais des sciences et techniques. Y ont pris part les cadres, enseignants, chercheurs, conférenciers, journalistes et rédacteurs des domaines des sciences, de l'enseignement, de la protection du patrimoine national et de la presse. Les orateurs ont parlé du processus de fouille des quatre caractères métalliques en avril dernier à l'ancien emplacement du palais royal du Goryeo et argumenté leur origine du Goryeo. Ils ont ajouté que les derniers vestiges permettent d'enrichir davantage le trésor du patrimoine national et d'approfondir les recherches sur les formes, genres, matières, écritures et méthodes de moulage des caractères métalliques. Ils ont souligné que les caractères métalliques des dernières fouilles revêtent une grande portée dans l'histoire de civilisation.